Actualité, page 10. S'informer sur les risques majeurs. Illustration du DICRIM, document d'information communale sur les risques majeurs. Avec cette édition de votre journal municipal, la ville de Château-Gontier-Bazouges vous communique son DICRIM, document d'information communale sur les risques majeurs. Qu'est-ce qu'un DICRIM ? Le DICRIM est un document élaboré par la mairie qui informe les habitants sur les risques majeurs auxquels la commune pourrait être exposée, leurs conséquences et les mesures de prévention et de protection. Il est l'une des composantes du plan communal de sauvegarde, PCS. Il s'agit d'un document simple, de quelques pages, qui vise également à donner à chacun les consignes de sécurité individuelle à respecter. Le DICRIM est un document à conserver. Qu'est-ce que le plan communal de sauvegarde ? Le plan communal de sauvegarde, PCS, définit sous l'autorité du maire l'organisation prévue par la commune pour assurer l'alerte, l'information, la protection et le soutien de la population au regard des risques connus. Il établit un recensement et une analyse des risques à l'échelle de la commune. Il intègre et complète les documents d'information élaborés au titre des actions de prévention. Le plan communal de sauvegarde complète les plans ORSEC de protection générale des populations. Ainsi, la ville de Château-Gontier-Bazouges est dotée d'un PCS permettant de mobiliser de manière immédiate tous les moyens disponibles pour apporter une réponse adaptée aux besoins de sécurité en cas de crise. Vous pouvez retrouver le DICRIM sur le site de la ville à télécharger ville.châteaugontier.fr.